reste encore dans Juan, ne pars pas. Pour elle qui t'a donné son corps déjà, ne pars pas. Que veux-tu que je reste faire? Moi j'ai déjà fini la guerre de l'amour avec elle. Chacun regarde sa vie de la façon qu'il choisit. Chacun laisse un peu du pire quand l'amour vient de finir. Chacun regarde sa chance et qui perd son innocence n'a plus le temps de choisir quand l'amour vient de finir. Reste encore dans Juan s'il te plaît. Ne lui donne pas raison de regretter. Que veux-tu, elles sont toutes les mêmes. C'est pas parce que je leur dis je t'aime que vraiment je les aime. Chacun regarde sa vie de la façon qu'il choisit. Chacun laisse un peu du pire quand l'amour vient de finir. Chacun regarde sa chance et qui perd son innocence n'a plus le temps de choisir quand l'amour vient de finir. Chacun regarde sa vie de la façon qu'il choisit. Chacun laisse un peu du pire quand l'amour vient de finir. Chacun regarde sa chance et qui perd son innocence n'a plus le temps de choisir quand l'amour vient de finir. Chacun fait couler ses larmes pour une photo comme une arme pour l'empêcher de partir quand l'amour vient de finir. C'est la cruelle évidence à qui perd son innocence pour un instant de plaisir quand l'amour vient de finir.